Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175 $ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez 11 000 $ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. On va parler des Golden Knights de Las Vegas. C'est incroyable ce qui se passe avec cette équipe-là. Et notre invité, je me rappelle, il y a 2-3 semaines, je lui avais parlé, puis il a dit « Je gagerai pas pour eux autres, mais je gagerai pas nécessairement contre eux autres. » L'analyste des matchs des Golden Knights de Las Vegas à la télévision, Éric Lacroix. Salut, Éric. Ouais, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Éric, je me rappelle ce que tu avais dit la dernière fois qu'on s'était parlé. Tu m'avais dit, écoute, je gagerais pas pour eux autres, mais je gagerais pas nécessairement contre eux autres. Es-tu surpris de voir que c'est en 5 matchs, là? 5 matchs? Ben, c'est quand même fou, hein? Écoute, je pense que le monde mentirait si tu dirais qu'au début de la saison, le monde aurait prédit ça. T'sais, même si tu parles au gérant général Jeff McPhee ou à l'entraîneur-chef Gérard Gallant, ils disent tous la même réponse. C'est sûr qu'au début, ils ont vu que ça a bien commencé. On a peut-être une petite équipe. Et c'est sûr que peut-être vers le 20e match, ouais, moi-même, même chose qu'eux autres, je t'oriente et je dis, écoute, ils sont bons. Il n'y a rien de mal à dire, ils sont bons. Je suis le bon équipe. Ouais, tu sais, non, mais c'est vrai. Ouais. C'est normal parce que si tu les regardes pas, tu les as pas regardés pendant la saison, tu as juste vu jouer un match ici ou là, tu peux dire, oh, il y a de la chance là-dedans, mais je vais être bien franc avec toi. Moi, la ligne que je prends, là, comme tu t'as dit tantôt, depuis la 20e game de l'année, ouais, mais ils sont bons. Tu penses qu'ils vont gagner la Coupe Stanley? J'ai tout le temps répondu à la même chose. Je te dirais pas qu'ils vont gagner la Coupe Stanley, mais je te dirais de pas gager contre eux autres, par exemple. Ouais. Fait que c'est comme ça que je regarde ça, puis on est rendu là, c'est quand même phénoménal. Écoute, c'est une bonne équipe, c'est sûr que c'est dur, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à dire que c'est une équipe d'expansion qui est en finale à la Coupe Stanley. Puis pour moi, son favori en finale, je vais être bien franc avec toi. Ils ont du beau temps en ce moment, voulant dire. Ils regardent les deux autres équipes un petit peu comme la dernière série, tu sais, se frapper un par-dessus l'autre, Tampa puis Washington. C'était la même chose avec Winnipeg puis Nashville. Les autres sont assis à la maison puis ils attendent, puis ils rient des bobos un petit peu, puis les gars prennent du rest. Rendu là, Éric, moi, je serais déçu qu'il gagne pas la coupe, là. Écoute, moi, honnêtement, Éric, je trouve ça ordinaire, parce que, puis je vais t'expliquer pourquoi. Il y a des, tu sais, c'est une équipe d'expansion. Ça reste une équipe d'expansion. Et il y a des directeurs généraux qui se fallent derrière pour avoir des équipes compétitives. Arrive une équipe d'expansion, puis il va gagner la Coupe Stanley. Sauf que, tu sais, rendu où ce qu'ils sont rendus, serait décevant, par contre. Moi, je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est un conte de film, en fond, mais c'est un conte de succès aussi. Ils ont fait les bonnes choses durant l'expansion, le repêchage d'expansion. Ils ont choisi les bonnes personnes. Ils ont mis le bon entraîneur-chef en place. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs des autres directeurs gérants. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Je pense qu'ils se sont compliqués la chose un petit peu. En pensant un petit peu trop des fois, tu sais, quand ils disent faut pas trop penser des fois, je pense qu'il y a une couple de gérants généraux qui ont trop pensé. Ouais. Puis mais ils ont fait les bonnes choses. Puis la tragédie, je l'ai tout le temps dit, ça a une grosse partie aussi avec le début de la saison. Ça leur a rallié les partisans puis les joueurs qui étaient nouveaux à la communauté, dans le fond, sont tous arrivés sur le même bateau, dans le fond, que ce soit l'entraîneur, le gérant, tout le monde, l'organisation complète, c'était tout nouveau. Alors, c'est comme on dit, c'est un conte de fées, mais c'est un conte de succès, parce que, comme je t'ai dit tantôt, depuis le début, les gars, tu vois qu'ils croient en leurs moyens, et au début, ils étaient peut-être comme toi, comme moi, surpris de leur succès, mais comme je te dis, environ vers la 20e partie de la saison, les gars, tu vois qu'ils ont gagné la dernière série qui les couronne, c'est le championnat de l'Ouest, mais tu vois qu'ils en veulent plus. Ah ouais, c'est... Ils en veulent plus, ils sont pas satisfaits, puis suis d'accord avec toi. Je pense que ce serait décevant qu'il ne soit pas capable de fermer le compte. Okay. Marc-André Fleury, écoute, c'est lui qui a le pourcentage d'arrêt le plus élevé de l'histoire de la Ligue nationale en séries éliminatoires, 947. Tiens, on ne se parlait pas si Marc-André Fleury ne serait pas là. Oui, mais c'est certain. Puis c'est tout le temps pareil dans le fond, hein, quand tu regardes chaque équipe. Si ton gardien est plus, tu ne fais pas le job, mais tu n'es pas là. Alors, c'est pas différent avec les Golden Knights. Mais je vais être très franc avec toi. C'est sûr qu'il y a des matchs qui ont volé. C'est important. Je pense que n'importe quelle équipe a besoin d'un gardien but qui va voler des matchs. Puis il y a d'autres matchs que l'équipe joue tellement bien que Marc-André a juste besoin d'être lui-même. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller voler les matchs. Puis, c'est ce qui fait que leur équipe, ils sont tellement forts à l'offensive avec les quatre lignes. Et puis, je vais être franc avec toi, ils ne sont pas fait terminer toute l'année ou dans les séries. Tu sais, c'est Marc-André fait la job. Puis, mais il va être le premier à dire aussi que les gars dans la vie font la job. Éric, es-tu d'accord avec moi que, tu sais, si on dit que Seattle va arriver dans la Ligue nationale, c'est une question de temps, ça va coûter 650 millions. On va certainement demander un peu les mêmes règlements, d'avoir quelques avantages, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça va s'en faire, là. Parce que, dans le fond, ça reste le deuxième gardien, le quatrième, cinquième défenseur de l'équipe et le joueur de troisième trio. Ça ne veut pas dire, on met les mêmes conditions, ça ne veut pas dire que ça va se faire, là. Pas du tout. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ça va se répéter. Qu'est-ce que je veux dire dans ça, c'est comme je l'ai dit tantôt, tu avais la relation des partisans puis les joueurs à cause de la tragédie. Et puis on espère que ça se répétera pas de ce côté-là. Ça, c'est certain. On est tous des humains. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, les gérants, je pense, se sont rendu la tâche un petit peu plus difficile en pensant un petit peu trop. Je vais prendre un exemple. Je suis pas ici pour faire la note au gérant général de Minnesota dans le temps, là, mais tu sais, quand tu donnes Alex Tuck et puis Eric Halla, parce que tu ne veux pas perdre ton cinquième ou sixième défenseur, je pense que c'est là que mon exemple de penser un petit peu trop. Alors, c'est plate à dire, ça a dû coûter la job à Chuck Fletcher, on sait qu'on a mis aujourd'hui Paul Fenton, nouveau gérant général des Minnesota Wild. Mais comme je t'ai dit tantôt, moi, si je serais gérant d'une équipe aujourd'hui, puis il y a une nouvelle équipe d'expansion, c'est les mêmes règlements. Écoute, ils me disent de protéger un certain nombre de joueurs, je le prends. Puis, écoute, amuse-toi, prends un des gars qui n'est pas protégé, puis c'est tout. Tu vas perdre ton joueur, puis on passe à d'autres choses. Il faut pas repenser un petit peu trop. Même, regarde en Floride, Riley Smith, puis Jonathan Marchessault. Je pense que quand même, probablement la meilleure ligue dans la Ligue nationale cette année, ça a été Marchessault, Smith, puis William Carlson. Puis t'as deux gars là-dedans, dans le fond, c'est prends. On va te donner Riley Smith si tu prends Jonathan Marchessault. Dis-moi, Eric, les répercussions à Las Vegas vont être énormes. Est-ce que tu penses que l'hockey mineur, les inscriptions dans l'hockey mineur, ils ont fait un job magistral, dans le fond, ils ont été incroyables, ils ont été des magiciens. OK. Oui, c'est certain, c'est fou un petit peu, mais t'as quand même une belle base ici à Las Vegas. Ça fait des années que le hockey mineur a commencé à cause des équipes dans la Ligue internationale et puis dans la East Coast Hockey League. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de monde du Canada qui vit à Las Vegas. Il y a beaucoup de monde de l'Est, du monde de Buffalo, Boston, du Michigan. Alors, le hockey est quand même assez prominent ici. Ça va grandir. Ça me fait penser un petit peu en 96. Oui, Eric, en terminant, les Capitals ou le Lightning? Ben moi, écoute, je pense que je prendrais les Golden Knights contre n'importe quelle des deux équipes. Okay. J'en ferais un petit peu, tu sais, on a du repos. Okay. C'est important à ce moment-ci de l'année. Alors, moi, je dirais que son favori, que ce soit Tampa, que ce soit Washington. OK. Ça a paru quand même, la première période, la série contre les Jets, là. C'était une période que les Golden Knights ont perdu. Là. On peut mettre la blâme sur le fait qu'ils ont été inactifs pendant quelques jours. Oui, c'est sûr. C'est juste que ça a mal commencé, ce match-là. Ouais. Premier shift, un revirement à ligne bleue. puis sont allés marquer dès le début, et puis après ça, ils prennent une finition juste après. Ouais. Fait que là, ça fait une semaine que t'as pas joué, puis là, ils ont marqué encore. Puis là, c'était 2-0, puis là, t'as eu le troisième but qui a été controversé quand même, si tu regardes en arrière, là. Ouais. Mais après ça, ouais, ben, vraiment, ce match-là, nous autres, on avait déterminé qu'il y avait quand même dominé les 50 dernières minutes du match. C'est juste, ça a mal commencé, et puis, après ça, ils ont viré ça de bord, puis ils ont jamais regardé en arrière. Ouais. Alors, je pense pas que le repos va les affecter. OK. Éric, je voudrais te rappeler peut-être à la fin de la finale de la Coupe Stanley pour voir un peu comment ça se passe à Las Vegas. Ben oui, pas de problème. Notre collaborateur, Éric Lacroix.